les félagas, ils faisaient creuser aux paysans du coin, aux musulmans, ils leur faisaient creuser la nuit des tranchées au milieu de la route pour que nos camions tombent dedans. Et dessus, ils mettaient un fusil mitrailleur sur le rocher, toujours dans des virages, dans des endroits bien. Ils étaient bien entraînés à la guérilla, hein. C'était des champions. Hein. Et là, on revient en 57, hein. On revient à la guérilla. C'est des trucs que j'aurais dû dire avant. Hein. Non, c'est pas grave, ça. Voilà. Alors, donc, le GMC de tête tombé dans la tranchée, le fusil mitrailleur arrosé, le temps que l'armée réagisse, qu'on contourne le rocher, en arrivant en haut, il n'y avait plus rien. Souvent, il laissait le fusil mitrailleur. Ça se passait comme ça. Alors donc, je reviens à ces pauvres gens qui habitaient autour, on leur faisait creuser la tranchée la nuit, et nous, on allait les chercher, on leur faisait reboucher. Voilà. Donc ces musulmans, ils en avaient ras-le-bol. Ils en avaient ras-le-bol. Alors cela, si on avait dit pour qui vous êtes, ils auraient eu de la peine à répondre, parce qu'ils étaient ni pour l'un ni pour l'autre. Et c'était des pauvres gens qui ne demandaient rien à personne et qui vivaient maigrement. Hein. Voilà, tout ça, il faut le dire. Parce que tout ça, ça fait partie des exagérations de l'armée et de l'autre côté aussi, de la guerre.